Évariste Ndikomanyanga. Albert Noua sur la mise en onde, bienvenue à cette actualité dont voici d'abord le sommaire. Tant que les coutumes du Burundi ne soient écrites nulle part, il y aura toujours des soucis en matière de succession. Ceci est dit par Marie Kinyabuku, défenseur des droits de la femme et membre du réseau Femmes et Paix, qui appelle toutes les personnes concernées par cette loi, les femmes en particulier, à agir en synergie afin que la loi sur la succession soit écrite. Certains commerçants du marché central de Gitega demandent un temps pour écouler les marchandises achetées à des prix élevés afin de pouvoir se conformer aux nouveaux prix récemment fixés par le ministère du Commerce. Et les journalistes ont le rôle primordial à jouer dans la prévention des conflits en travaillant avec neutralité et professionnalisme pendant le processus électoral. Et cela a été dit ce vendredi lors du forum d'échange entre les médias et les institutions publiques pour la promotion à l'accès à une information équilibrée organisée par CENAP et le ministère de la Communication. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Cap sur Gitega pour parler commerce. Certains commerçants du marché central de Gitega ne respectaient pas les nouveaux prix de denrées alimentaires récemment fixés par le ministère du Commerce. Ils demandent un temps pour écouler les marchandises achetées à des prix élevés afin de pouvoir se conformer aux nouveaux prix par après. Les acheteurs demandent la revue à la baisse davantage des différents prix des denrées alimentaires suite à leur faible pouvoir d'achat, tout en insistant sur la baisse du prix de la farine de manioc, dont le nouveau prix est de loin supérieur à l'ancien prix. C'est au moment où il y a des commerçants qui conditionnent le respect de ces nouveaux prix par la disponibilisation du carburant. Gérard Nibikir. Le nouveau prix des denrées alimentaires récemment fixé par l'État via la ministre du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme ne sont pas respectés au marché central de Gitega. Par exemple, le nouveau prix d'huile de palme locale non raffinée varie de 4 à 5 000 francs boule au kilo, mais les commerçants vendent cette huile à 10 000 francs boule au kilo. Quant au nouveau prix du riz produit au Burundi, il est de 4 à 5 000 francs boule au kilo, mais les commerçants le vendent à un prix variant de 5 000 à 6 000 francs boule au kilo. Quant aux oignons blancs et rouges, leur prix officiel varie de 1 000 à 3 000 francs boule au kilo, mais les commerçants les vendent à 4 500 le kilo. Le nouveau prix de la pomme de terre fixé par l'État varie de 1 000 à 1 800 francs boule au kilo, mais les commerçants vendent la pomme de terre à 2 000 francs boule et plus par kilo. Cela étant, un commerçant d'huile et de parme contacté demande un temps allant d'un mois et demi à deux mois pour écouler toute l'huile qu'il avait acheté afin qu'il se conforme au nouveau prix selon qu'il aura acheté l'huile de palme auprès des commerçants grossistes d'huile de palme qui s'approvisionnent en province Rumonge. Quant aux commerçants des oignons blancs et rouges et pommes de terre, ils demandent que le carburant soit rendu disponible et consécutivement les prix de ces produits chuteraient, précise-t-il. En outre, le nouveau prix de la farine de manioc dépasse de loin les prix habituellement pratiqués par les commerçants. Par exemple, la farine de manioc de meilleure qualité appelée Kivunde coûte habituellement 2 500 francs boule au kilo, mais l'État vient de fixer son prix entre 2 800 francs et 4 000 francs boule au kilo. Quant à la farine de manioc de seconde qualité appelée communément Inyang, son prix habituel varie de 1 100 francs à 1 400 francs boule au kilo, mais l'État l'a fixé à un prix variant de 1 500 à 1 700 francs boule au kilo. Sachez en fait qu'il y a des commerçants qui appliquent déjà les nouveaux prix des denrées alimentaires, comme les bouchers et les commerçants du manioc. Ok, frais. Depuis Gitega, j'ai Anibigira pour la radio Isanganiro. Merci à Gérard Nivigira de Gitega, la capitale politique. Revenons sur Bujumbura, la capitale économique, et cette fois-ci pour parler droits de la femme. Tant que les coutumes du Burundi ne soient écrites nulle part, il y aura toujours des soucis en matière de succession. Propos d'une défenseur des droits de la femme et membre du réseau Femmes Épée, après que la Cour suprême ait sorti une note circulaire disant que le traitement des litiges sur les propriétés foncières familiales doit se référer sur les coutumes en milieu rural. Marie Kinyabuku appelle toutes les personnes concernées par cette loi, les femmes en particulier, à agir en synergie afin que la loi sur la succession soit écrite. Suivez Marie Kinyabuku dans ses propos recueillis par Stella Nechimi. À partir de la note circulaire du président de la Cour suprême, moi, vraiment, je le comprends parfaitement. Parce que il propose aux tribunaux, aux juges, de se référer au texte auquel il se référait avant. Mais c'est en attendant qu'un texte bien écrit sur proposition du président soit disponible. Mais aujourd'hui, les coutumes surtout, ce ne sont pas des lois qui sont écrites. Nous avons toujours vécu dans la coutume sans nous référer au texte. Si bien que aujourd'hui, je propose à tous ceux qui sont intéressés par cette loi sur la succession, à commencer par les femmes elles-mêmes et surtout les femmes leaders, de s'asseoir très rapidement ensemble et d'avoir une proposition, un texte à proposer au président de la République. Donc saisir cette chance qui a été offerte le 8 mars. Captez Isanganilo, écoutez la différence. L'actualité continue sur Isanganiro. Parlons maintenant société. Les habitants de la zone urbaine de Buterere qui ramassent des objets, des restes des aliments dans le dépotoir n'aperçoivent pas de la même manière ou de la même façon que l'administration la mesure de le reflet de cet endroit. Au moment où l'administration zonale défend qu'il s'agit d'une mesure qui tend à les protéger contre les maladies, ses habitants réclament plutôt fréquenter cet endroit pour question de se nourrir. Docteur Jean Sabimana, géographe, appelle ces derniers à ne pas fréquenter ce lieu pour le bien-être de leur santé et au gouvernement de délocaliser ce dépotoir vers un endroit éloigné des ménages de la population, n'est-ce pas, Omer Ndouayou? Ubisanzwe twege sikwiyarara twe tuhaharura ko ari kwa Sion turatora makara tugatora magufa tugatora. Compte tenu de la valeur qu'il donne à ce dépotoir, difficile est donc de convaincre ses habitants que ce lieu est nuisible à leur santé. Dans une surface de 4 hectares, 33 arts et 50 centiaires, le dépotoir provisoirement central de Buterere est situé au nord de la ville de Bujumbura, plus précisément au quartier d'Imugaruro, celui de Nyarumanga. Ce n'est pas loin des ménages des habitants de cette localité, ceux qui y trouvent des objets et des restes d'aliments. Pour le repas, qualifie ce lieu de centre d'approvisionnement. Quand tu ramasses des os, tu peux en tirer 200 francs le kilogramme. Du fer, c'est 500 francs le kilo. Pour les bouchons, on peut en tirer 400 francs. Le charbon, un petit seau, il y a des fois que l'on te donne 2500 francs pour dire que Dieu nous bénit et on trouve de quoi mettre sous la dent sans voler. Et à propos des maladies, nous avons un Dieu qui nous protège. De son côté, Serge Hategekimana, chef de zone Buterere, qui refute cette qualification, sensibilise ses habitants à ne pas fréquenter cet endroit. Il invite les autorités habilitées à le clôturer pour que ses habitants ne puissent plus y accéder. Ceux qui passent leur journée ici, ce sont des personnes soi-disant vulnérables et qui trouvent leurs provisions ici. Ça ne nous plaît pas du tout. De notre côté, les administratifs, nous devons continuer à les sensibiliser car un endroit ouvert comme celui-ci, il est difficile d'empêcher les entrées. Nous avons demandé à Dobura de faire tout son possible pour clôturer cet endroit afin que personne ne puisse plus y entrer. Comme ça, ils seront intéressés par les sensibilisations qu'on leur donne. Le géographe Jean Sabimana estime qu'il est nécessaire de délocaliser ce dépotoir vers un endroit inhabité pour protéger ces gens. Dans ce dépotoir, comme nous l'avons vu, il y a toutes sortes de déchets plastiques, organiques, mais également un tout petit peu métalliques. Dans ce dépotoir, on a vu qu'il y a même la population qui vit aux dépens de ce dépotoir. Mais le dépotoir en lui seul, actuellement, cause un grand problème à la santé publique. Là, je dirais, par exemple, le problème de respiration, vu les gaz qui sont dégagés par son dépotoir, mais également les feux qui sont brûlés tout au long de la journée. Également, on voit qu'au niveau du dépotoir, il y a des matières organiques. Quand ils sont pourris, dégagent des déchets par d'écoulement. Ces écoulements, canalisés directement au niveau du lac Tanganyika, constituent un impact au niveau de la biodiversité, au niveau du lac Tanganyika. Ce qu'on devait faire, c'est d'abord interdire les constructions tout près du dépotoir, ou encore déménager sur le dépotoir de Buterere. Ça serait un avantage pour la population de la ville de Bujumbura en général. Une activité en cours d'exécution, comme l'affirme Christian Imubona, directeur eau et assainissement au ministère de l'Environnement. L'espace réservé au dépotoir central à Kididaguzo en province de Bubanza a déjà eu un titre foncier. C'est donc le dépotoir qui va remplacer celui de Buterere. Ça ne reste que l'aménagement pour qu'on commence à l'utiliser. Ce directeur salue les initiatives des sociétés qui transforment les déchets jetés dans ce dépotoir en matériels utilisables par la population. Omer Ndouayo, dernier dossier de ce journal. Les journalistes ont le rôle primordial à jouer dans la prévention des conflits. En travaillant avec neutralité et professionnalisme pendant le processus électoral. Cela a été dit ce vendredi lors du forum d'échange entre les médias et les institutions publiques pour la promotion à l'accès à une information équitable organisé par CENAP et le ministère de la Communication. Certains responsables des médias indiquent que même s'il y a des avancées par rapport à l'accès à l'information, certaines sources officielles restent réticentes à s'exprimer sur les ondes. Le point avec Ornella Mucho. Au micro, lors du forum d'échange entre les responsables des médias et les institutions publiques pour la promotion de l'accès à une information équilibrée de ce 5 avril 2025, certains responsables des médias saluent la volonté de certains officiels qui facilitent l'accès à l'information, mais déplorent toutefois que certaines sources restent réticentes à s'exprimer, ce qui limite le droit à l'information et crée de la désinformation. Certaines sources officielles qui étaient présentes au forum, comme le gouverneur de la province Chibitoke, Karem Bidoza, indique que certaines raisons justifient la rétention de l'information, comme certains journalistes qui veulent recueillir l'information par téléphone au lieu de se présenter physiquement. Du côté du porte-parole du ministère de la Défense, le général de brigade Gaspard Balatouza avoue que toutes les informations ne sont pas à mettre à la disposition du public pour des raisons sécuritaires. Avis partagé avec le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, Jérôme Niondima, tout en précisant que les porte-parole ne peuvent pas s'exprimer sans l'autorisation de l'institution qu'ils représentent. Il promet toutefois que bientôt ils vont décentraliser les pouvoirs, ce qui va faciliter l'accès à l'information. L'abbé Dieudonné Nibidi, expert en résolution pacifique des conflits, appelle certaines conséquences par rapport à la rétention de l'information, comme la désinformation. Messieurs les représentants, les porte-parole des institutions, mesdames, dès qu'il y a rétention de l'information, la qualité de l'information qu'on va servir à la population sera réduite. Elle n'est pas la bonne. Nous aurons un journalisme maigre, un journalisme malingre. Il y a la perte de crédibilité devant le public. Il y a la porte ouverte donc aux rumeurs. Les journalistes ne nous informent pas comme il faut. Le dossier, vous ne voulez pas qu'on en parle, alors la nature va créer des raisons, va remplir le vide. Ainsi, les médias ne sont plus crédibles parce qu'ils ne nous donneront pas ce qu'on veut d'eux, parce que quelque part, le robinet est fermé. Enfin, sur les médias, nous aurons les divisions entre les médias. Il y a des médias plus aimés qui recevront l'information et des médias les plus mal aimés qui n'auront pas l'information. La directrice du CENAP, Liberat Nakimana, a tenu à préciser que depuis novembre 2023, le CENAP, en collaboration avec différentes institutions, notamment le ministère de la Communication, a organisé une série de rencontres dans les provinces du pays sur l'accès équitable à l'information, surtout pendant le processus électoral. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaï pour sa parfaite collaboration technique à la présentation de ce journal. Vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Dans quelques instants, vous aurez la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir, cela dépend de votre zone d'écoute. Gestion des minerais à l'école du Botswana et de la Namibie, suggère le journal Iwachu, qui part d'un constat de la Banque mondiale, à savoir que le Burundi est une mine à ciel ouvert. Le pays regorge de minerais stratégiques très recherchés. Premier producteur de terres rares en Afrique, il se classe 9e mondial. Et pourtant, le Burundi demeure l'un des pays les plus pauvres du monde. Un paradoxe criant, selon son confrère qui s'interroge, quel est réellement l'apport des exportations de minerais au Burundi? Y a-t-il une politique minière? Quel circuit des minerais depuis la prospection, l'extraction, la commercialisation? Les experts interrogés par cet hebdomadaire dénoncent une gouvernance déficiente, opacité, contrebande, corruption, absence de coordination, contrats mal négociés, sous-facturation, surfacturation, etc. Le vrai problème réside dans le manque de planification et de respect de la chose publique, écrit ce confrère. Le Botswana et la Namibie démontrent qu'une gestion rigoureuse et transparente des ressources est possible et le Burundi doit s'en inspirer, conclut l'éditorialiste de l'hebdomadaire Iwachu, tout en espérant que l'avertissement du chef de l'État aux acteurs miniers ne restera pas lettre morte. La tolérance zéro à toute personne qui sera coupable de détournement, de non-renseignement, de fraude et de corruption dans le secteur minier. Bujumbura et d'autres centres urbains sous la pression des loyers en hausse, constate Burundi Echo. En effet, la flambée des loyers dans les grandes agglomérations burundaises, notamment à Bujumbura, met de nombreux locataires en difficulté, les poussant parfois à quitter leur logement faute de moyens. Et en l'absence de réglementation stricte, écrit ce journal, les pratiques abusives se multiplient comme l'éviction forcée sous prétexte de rénovation, uniquement pour relouer ensuite le logement à un tarif beaucoup plus élevé. Pour mieux encadrer le marché locatif, annonce cet hebdomadaire socio-économique, le gouvernement prévoit la création d'une agence de régulation et de contrôle des transactions immobilières, ARCTI. Cette nouvelle institution aura pour mission de surveiller le marché, de prévenir les hausses excessives des loyers et de garantir le respect des normes en matière de location. Grâce à l'ARCTI, un cadre réglementaire solide sera mis en place afin d'assurer une meilleure protection des locataires. Pour conclure, Burundi Echo estime que seule une régulation stricte et bien encadrée pourra garantir des conditions de logement dignes pour tous. Revue de la presse. Les retraités doivent patienter et attendre les conclusions de la commission sur la mise en œuvre de la loi sur les pensions et retraites, écrit l'agence burundaise de presse. Le président de l'association des retraités résidant en commune Ntahangwa à mairie de Bujumbura, Athanase Ntimirangeza, fait remarquer dans les colonnes de l'ABP que 5 ans vont bientôt s'écouler sans que les indemnités de retraite promises par le chef de l'État lors de son investiture ne leur soient versées. Du côté du ministère en charge de la solidarité, Le chargé de la communication a déclaré à l'ABP que cette commission a déjà relevé les fonds existants dans certaines institutions chargées d'octroyer la pension aux retraités, comme l'INSS et l'ONPR, et a constaté qu'ils doivent être augmentés pour que l'application de la loi soit mise en place et que le processus est en cours. On termine cette revue de presse par ce vol de 15 ordinateurs dans un lycée à Rumonge, comme le rapporte Net Press, qui précise que le forfait a eu lieu au lycée communal Al Maktoum, se trouvant sur la colline de Gatété en commune de Rumonge, la nuit de lundi à mardi cette semaine. Selon le directeur de cette école, Amran Ibarutwanayo, cité par son confrère, des personnes non encore identifiées ont défoncé la porte de la salle où se trouvaient ces ordinateurs à l'insu de deux veilleurs qui montaient la garde. Ces derniers ont été arrêtés pour enquête. Ces ordinateurs de marque Lenovo étaient neufs et ont une valeur d'un peu plus de 30 millions de nos francs, ajoute-t-il, dans les colonnes de son quotidien en ligne. Net Press rappelle que cette école fut une école privée, mais aujourd'hui elle est devenue une école publique. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Jean-Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.